qui est dans la spiritualité, puis la parapsychologie, pas tout des. Je sais pas, moi, c'est plus niaiserie là, mais c'est facile. Mais quand tu rencontres des gens qui sont en finance, des gens qui sont en politique, des gens qui sont dans la grosse matière, puis tu as un travail en science à faire avec ces gens-là, tu peux pas rentrer avec ta croix. Faut que tu rentres avec tes exploits. Ah, avec tes exploits. Tu rentres avec tes. Mais tu sais, j'ai chez Brockman, mais qu'en France, des scientifiques viennent de tous les pays pour rencontrer là parce que c'est une sorte de salon. J'aime ma gueule. Parce qu'il y a des physiciens, il y a des médecins, il y a toutes sortes de monde là, puis ils savent que c'est ce petit truc-là, puis dans le coin, ils gardent de parler à tout le monde. C'est ça le prix. Si j'avais pas ça, je pourrais pas rentrer dans la rue. Je pourrais même pas rentrer dans les barrières. Ah, si j'avais un gros compte de banque, j'avais un gros gros nain, je pourrais rentrer parce que c'est le compte de banque. Il y a un équilibre. Soit que tu as l'équilibre au niveau du compte de banque, vous vous mettez déjà. Dans mon cas, tu es déjà. Déjà, je ne le savent pas. Continuons ça. Parce que pour moi, là, le sacré, c'est le sacré, bon, mettre à jour des confessions, baiser les bains, être affectionné. Être impressionné par ce qui est sacré. Il y a tout le protocole qui rend sacré. C'est pas, par exemple, au niveau d'un appareil de chute, au niveau d'un appareil de déguise quelconque. Il y a un sacré. C'est des lois d'invention. Quand tu vas en cours, le tribunal, tu sais comment c'est pesant le tribunal. Automatiquement, la loi, ça change pas. Hein. C'est bien traditionnel, bien conservateur. Pourquoi? Parce que les lois d'impression, c'est ce qui est le plus dur à changer dans une société. Puis c'est ça qui renferme toutes les émotions d'une société. Puis un pays, d'ailleurs, c'est ce qui arrive, des révolutions, des révolutionnaires, ils mettent tout en terre. Puis ils commencent avec d'autres lois d'impression. En général, il n'y en a pas au début. C'est le bordel. Mais après 100 ans, 200 ans, tu vois qu'il y a encore. C'est ça qu'on crée. On appelle la civilisation. Mais c'est très important parce que c'est avec ça que la nation marche aussi. Mmh. Aussi bien que toute la hiérarchie ecclésiastique. Mmh. Puis briser le sacré, quand j'entends dire le sacré, il faut que je sois tout briser la forme du sacré. C'est une loi d'impression sur tout le pays. Comme la justice, on l'a. Comme la déduction au niveau des relations professionnelles, au niveau des sources. C'est toutes des lois d'impression, ça fait toutes des hiérarchies. Toutes ces lois-là, il faut briser. Oui, parce que tu n'es pas. C'est ça. Sans ça, tu es prisonnier de ces lois d'impression-là. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je suis important, que je sois, par exemple, au niveau de l'Église, je suis prisonnier de ces lois-là. Mettons que je te parle de cette église, que je sois au niveau de la cour, je suis plus prisonnier de ces lois-là, c'est-à-dire que je les respecte, ces lois-là, parce qu'elles sont là, mais moi, je n'entre pas dans cette forme-là, parce que je suis consciente et je suis autonome. Ouais, la forme ne t'impressionne pas. Mais tu la respectes parce qu'elle fait partie de là. Parce que les formes, les lois d'impression sont de belles formes. Oui. C'est ça qui donne la civilisation, c'est ça qui donne la couleur à la civilisation. Mais il faut que tu sois prisonnier. Mais seulement, je ne mettrai pas en casse-tête. Non. Je le sens le corps. Non. Qui a le mot, qui a le titre sur lui, qui s'appelle le PDG de quelque chose, quand tu veux un compte. Comprends-tu? Parce que les gens veulent absolument conserver la loi d'impression, parce qu'ils sont chapeautés par les postes de commande, par la sécurité. Les postes de ceux qui sont bien. C'est la loi de PDG, là. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Alors que c'est la loi d'impression, c'est les intégrer, tandis que quand je suis autonome, quand je ne suis pas prisonnier de ces formes-là, je peux être discute, qui est très honorable, et très honoré, et très respectueux, et très respectable, comme avec le génie qu'on avait fait le premier ministre. Il faut qu'on soit comme des élévateurs. Tu descends en premier, ou tout le monde au septième, tu es toujours à l'aise. Un homme qui fait l'aise avec les tout, comme tu dis, qui fait l'aise avec les rois, il est au bout. Il est au bout. C'est ça. Ça, c'est pas facile. Parce que avec les ticus, ça va. Mais quand tu rentres. Quand tu commences à rencontrer la grosse finance, là, le gros pouvoir politique, là, je te dis, tu vas. Tu prends les ticus, mon gros, et tu prends le verre. T'as peur de faire des erreurs. T'as peur de pas dire le bon mot. T'as peur de pas me faire plaisir. T'as peur. C'est ça que ce qui arrive, c'est qu'automatiquement, les ticus sont bloqués, eux autres. Automatiquement. Mais j'ai, faut-tu conscient de leur forme, eux autres? Tu sois conscient. C'est comme quand t'es conscient, quand tu fonctionnes au niveau d'intelligence, t'as peur, t'sais. Mais aussitôt que t'as pas ça, tu vas te barrer automatiquement de ces cercles. Non, c'est que la loi, c'est... Vous êtes déjà allé, vous savez comment c'est quand on se marie? Là, le t'as chez la fille le soir, là. Toi, tu viens d'une famille pauvre, puis elle vit d'une famille de Westland, tu vas marier. Le seul lien qui entoure la famille, c'est l'amour que t'as pour la fille. Puis t'as peur si le père a trop de puissance, si vous la mettez, il y a trop d'influence à la fille, que ça pète la face. Tu t'en vas à la maison le soir, puis tu ouvres les portes, Charlie, là. Puis là, il t'examine, puis là, tu te rentres dans tes pilotes pendant 2-3 heures, quand tu ressors, t'es content en mode. C'est pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sentis. La loi de l'impression, c'est l'envers de l'impression. La loi de l'impression... La loi de l'impression, c'est la domination de l'intelligence cosmique sur l'ego de l'homme. Inconscient. La loi de l'impression, c'est l'application sur tous les plans de l'univers de leur part. La loi d'impression, c'est la compréhension parfaite des lois de la force. La loi d'impression, c'est la manipulation parfaite de la force. La loi d'impression, c'est la liberté totale de l'esprit de l'homme. La loi de l'impression, c'est la pénétration de la lumière dans toutes les forces. La loi de l'impression, c'est l'ajustement constant et permanent et parfait d'une forme en relation avec une autre au fur et à mesure que l'esprit de l'homme avance dans la découverte de ses formes. C'est une loi cosmique. Ça fait partie de l'intelligence. C'est à la base même de la psychologie. C'est à la base même des rapports entre les hommes. C'est à la base même de la structure des civilisations, de la formation des civilisations. Les lois d'impression en France, on peut les mettre en impression en Angleterre. En Chine, en Russie. Puis il y a seulement un dénominateur commun pour toutes les lois d'impression sur une planète où il y a plusieurs civilisations, c'est l'intelligence aussi. Que t'es en Chine, que t'es aux États-Unis, que t'es en Russie, tu fonctionnes vibratoirement, tu sais toujours quoi faire précisément au bon moment. Tu peux rentrer dans n'importe quelle société. Tu deviens innocent. Sans ça, t'es bloqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication entre les civilisations, parce que les lois d'impression sont totalement fermées. Le métier va en Europe. L'Européen vient aux États-Unis. Les lois d'impression des deux pays, c'est super imposé. Pourquoi? Parce que l'Américain n'est pas capable de fonctionner en Europe créativement, puis l'Européen va fonctionner créativement. C'est pas possible. Bon. Au lieu de rentrer en Amérique ouvertement dans son esprit, il vient en Amérique avec les mémoires de l'Europe. Là, il commence à dire, ah, ni. L'Américain dit, mange la barbe, attends, j'ai dit, ça là, l'Américain s'en va en Europe, puis en France, Chris, tu vas avoir un téléphone, tu veux attendre 2 heures pour un téléphone, nous autres, chez nous, on a ça, un appareil méditant. La France, elle va dire, attends, j'y vais avec le téléphone. Voilà. Parce qu'il reste pas. C'est l'expertise de l'esprit. Je te dis, la loi de l'impression, c'est une des plus grandes et une des plus belles lois de l'intelligence. Ça n'a rien à faire de l'astral. C'est le château de la mort. T'as vu, hein? Moi, j'ai dit à eux autres, c'est pas pour ce que j'ai du vin chez nous, moi, je suis pas un capitaine même. Je dis, comment tu fais que je suis pas capable d'arriver, comment elle aime ça, quand je vais avec mon petit soupe brun pâle. Oui, j'ai pas de l'impression. Une fois, je suis avec mon petit soupe brun pâle, c'est bien et tout, quand tu fais ton petit soupe brun pâle. Et je viens tout voir la vie de même. Parce que ça a changé. Si j'avais mis 10-15 habits différents, ça n'aurait pas fait. Mais je n'ai rien bien, Ça m'en fait tout le temps, je sais pas comment vous, tu m'as dit, c'est pas tout ton petit soupe brun. Non, tu sais que la loi de l'impression de l'intelligence pure, c'est parce qu'il y a on est inconscient. Quand on sera dans la conscience, c'est une modifier en temps. La loi de l'impression est toujours là. C'est en fait, c'est un outil d'esprit, la loi de l'impression. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait partie des subtilités de l'esprit. Ça fait partie du rayonnement de l'esprit. Ça fait partie de la perfection de l'esprit. Ça fait partie de l'utilisation parfaite de la forme par l'esprit. Du moment que tu n'es pas dominé par elle. Parce que bien qu'elle existe à cause de l'inconscience, Oui. Quand tu n'auras plus d'inconscience, c'est toi-là que tu vas te faire. C'est un autre place. Si tu tombes sur une autre place, tu vas dans les terres, tu as d'autres lois d'impression, mais c'est plus la même loi d'impression que tu as ici. Mais ça, en terre, tant que tu es inconscience, les gens sont prisonniers de la loi d'impression. Tandis que dans les terres, la loi d'impression n'est pas pareille. Parce que dans les terres, la loi d'impression, c'est simplement une loi esthétique. Tandis que ça, en terre, c'est pas simplement une loi esthétique, c'est une loi d'émotion. La loi d'impression, c'est une loi d'émotion. La preuve. Moi, je devrais être capable de rencontrer Barbara Bronfman, que j'ai une somme que j'ai pas de tête. Je devrais être capable de rencontrer n'importe qui, moi, dans la société, puis rien que le mettre à la table, ce que j'ai dans mon assiette. Mais non, c'est du passé. Il me faut filer. Ou passer par des moyens, ça doit être vrai, ça. Les gens sont pas conscients, c'est inconscient, mais ça vient d'être à la house. Why don't you come to my house? Why don't you come and talk to me? Pour les gens, c'est important, mais pour toi, c'est plus. Évidemment. Puis quand t'es conscient, c'est tout pour les autres. Là, le temps. Le temps. Ça fait mal de la créativité, la créativité à part. Voilà. C'est une loi d'impression, parce que je connaissais que vous l'avez, le fait que vous avez rencontré mes gens. J'ai dit jamais ça, parce que avec ma femme, pendant 7 ans, j'ai enseigné. J'ai dit jamais, comment est-ce que tu es chaunigan? J'ai dit jamais, quand tu rencontres du monde, ou tu rencontreras plus tard des gens dans le monde, que ces gens dans le monde doivent savoir que tu viens de chaunigan. Quoi la sorte de chaunigan? Je dis que ta mobilité doit être tellement stable. Que ces gens-là ne pourront jamais mettre en doute la vibration de la loi d'impression tactile. Donc, quand t'as à n'importe quelle place, comment ça sera bien beau? Regarde avec tes yeux, ferme ta gueule! On s'en parlera après avec un petit cadeau de ça. J'étais à New York avec elle une fois. Moi, ma femme, en général, quand je l'habille, on va ensemble. J'avais acheté un beau costume. J'ai dit, mais voilà, à New York, il y a quelqu'un qui va faire une remarque sur son costume. Fait qu'on s'en va à New York, on s'en va chez Saks, on est sur Avenue, puis on était sur le deuxième plancher. D'un coup, il y a une femme qui arrive. C'est comme ça, elle me dit, oh, darling, nanana, t'as bien beau costume. T'as bien une belle teinte dans ton costume. Ma femme, elle dit, thank you very much, c'est la costume. Oh, oh, yo, tu sais comment ça, les femmes, ils viennent toutes comme des oiseaux. Elle continue à leur mercier, elle continue ça. C'est à ça, le continent qu'elle devait retrouver à l'ennemi. Ici, quelques petites minutes, dans ce temps-là, je vivrais parce qu'il fallait ajuster ses corps. Dans ce temps-là, si elle faisait la moindre erreur, parce que moi j'appelle ça des erreurs psychologiques. La moindre erreur psychologique, j'avais un mou de choc qui me passait dans le corps, là. C'est là que je donnais des chocs. Je jouais à tout. Je suivais constamment. Quand elle parlait, je checkais pas pour ce qu'elle disait, mais comment elle disait. C'est la vibration. Comment elle disait. Aujourd'hui, elle est dans sa vibration. Parfait. Toujours dans le mode d'impression. Puis elle est sain comme bonjour. Elle est bien sain. Mais elle est toujours dans le mode d'impression. C'est ça la force. C'est ce qu'on appelle avoir le rythme. Ça fait. C'est ça. Ça fait. Moi, j'aimerais ça, vous en parlez de l'impression, mais je me vois, je l'éternise. C'est la psychologie même, la loi d'impression, Léon. La psychologie même. Hein? Mais oui, là, toi, la psychologie même, la loi d'impression. C'est la fondation de la psychologie, la loi d'impression. Exemple. Je vais donner un exemple. Un schizophrénique. Un schizophrénique, c'est un homme qui a été abattu, qui a été abasourdi, qui a été surimpressionné par les forces. Il est plus capable d'en prendre. Il craque. Il y a une disconnection entre le corps astral et le corps mental. n'y a plus d'intelligence suffisamment grande pour pouvoir raccorder des formes qui est en dehors de la loi d'impression. La schizophrénie, c'est le point terminal où la loi d'impression n'est plus active dans l'homme. D'ailleurs, tous les hommes ont de la loi d'impression. Un homme qui n'est plus capable de fonctionner à l'intérieur de la loi d'impression, il craque, il devient animé. Prends n'importe quel cas de maladie mentale. C'est la loi d'impression qui est défaillante. C'est la psychologie même de la loi d'impression. C'est pas parce que j'ai jamais parlé de ça, là. C'est la crédibilité même d'une personne. Tu disais, jamais tu te souviens de son Indian. Pendant que moi, je dis que c'est son Indian, certains talents de son Indian vont venir pour me voir. Ils vont pas me voir, ils vont être impressionnés, on se met de chez nous, tu danses, etc. C'était quelqu'un, bon, ok? Mais tu ne dis pas, tu t'impressionnes, non pas parce que tu viens de faire part, mais parce que tu es crédible, ce dans quoi tu agis ou tu fais. Ils sont obligés de prendre rien que ce que tu présentes. Que tu viennes de Shawinigan ou de la rue Folard. Non, mais la compétence d'un homme. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui est compétent de quel agent je vais respecter comme quelqu'un quand tu fites avec toi. Exactement. Tu gères des émotions, parce que tu dis que tu viens de Cornwall. Tu viens de Cornwall. Il y a une vibration. Je m'en sacre. Il y a une vibration. Bon, ben, la séduction, là, on dit comment ça, c'est pas ça. La séduction, c'est dire, c'est libre. Moi, la gagne, je vais dire quelque chose. C'est exactement en bas. La séduction exprime. La séduction exprime. C'est la loi d'impression, tandis que la loi d'impression n'exprime pas. Elle est manifeste. Elle ne s'exprime pas. Quand, on va te le montrer où on voit les erreurs de la loi d'impression. Tu vas dans les musées à Montréal ou au Beaux-Arts. Les niaiseux, là, les intellectuels, là, les yo-yo qui vont se mentre, là, là, ils regardent, là, puis là, ils vont discuter de la peinture. Il y a une façon de discuter de la peinture. Puis ça se fait. C'est pesant. C'est pesant. Moi, j'ai fait de l'expérience, ma petite fille, une fois, je suis arrivé devant un tableau, j'ai dit, moi, oh, c'est de la vraie merde. Elle doit être la bonne femme, c'est une bonne femme à côté de moi. C'est haute terre de même. C'est comme, j'ai quelqu'un qui écoute beaucoup la musique. C'est pas de la merde. Mais j'ai dit, c'est de la merde. Parce que quand t'es dans le, ouais. Quand t'es pas influencé par la femme, tu peux faire ce que tu veux. C'est comme quelqu'un qui aime... Enfin, mettons, moi, j'aime beaucoup la musique, mais je connais pas la musique. Supposons que quelqu'un joue un morceau de piano que je trouve bien beau, je suis pas capable, moi, d'aller le visiter parce que je sais pas lui s'il est content de lui ayant joué ce morceau-là. Moi, je réagis seulement émotivement à cette musique-là. Tu comprends? Si je ne connais pas la loi de l'impression, je vais aller dire, mon dieu, tu jouerais. Le gars qui a bien joué, il est content, il ne peut peut-être pas tout dire. Mais si lui, à son idée à lui, il a tellement joué, il a tellement changé. Un autre point. Vous parlez de ce qu'on connaît, pas de ce qu'on connaît pas. C'est ça. Soit tu parles de ce que tu connais ou sans t'avoir. Parce qu'autrement, tu fais impression, puis là, on parle de l'impression. Parce que tu n'es pas ça, tu ne sais pas si le gars connaît son enfant. C'est pour ça qu'il faut que tu fonctionnes au niveau de l'intelligence. C'est comme au niveau du vin, quand on vient d'un restaurant, on boit du vin. Il y en a avec cette petite patente. Il y en a dessus, là-dedans. Chérie, Marie. Le gars, si le gars connaît son affaire, puis il te donne un vin qui ne va pas de la merde, toi, tu dis c'est bon. Depuis qu'il a rendu dans la cuisine, tu n'as pas du fun. Il y a même l'opposé pareil. Si tu vas dans un restaurant, tu retournes une bouteille. T'es mieux d'être sûr de ton affaire, mais si tu retournes sa bouteille, t'es mieux d'être capable de dire pourquoi est-ce que tu retournes sa bouteille. C'est toutes les bonnes impressions. Puis regarde la civilisation, la culture, c'est tout fondé sur ça. Tu sais qu'on regarde, comment ça s'appelle, James Bond? James Bond? James Bond, il fonctionne toute sa loi d'impression. Son affaire de bain, là, tu connais les vins jusqu'à l'an 1804, puis c'est cognac, puis c'est ci, puis c'est ça. Tu sais, quand on parle de tout, parce que quand tu parles consciemment, tu peux parler de n'importe quoi. Puis il fonctionne tout ça. Simon Tablard. C'est tout ça, la loi des principes. Les Grecs. Bien sûr. Sérieusement, il y a eu des abus. C'est là que ça tombe à l'eau. Les Allemands, durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, tu penses qu'ils n'avaient pas eu l'impression? Regarde leurs aliments, leurs bottes, leurs seaux. J'ai jamais vu une armée aussi bien habillée. Par contre, les Russes qui n'ont pas de place, pourtant qui ont énormément de culture, mais ils n'ont pas de place parce qu'ils sont produits de la Révolution, les soldats, ils ont l'air des vrais oies. Non, moi je travaille avec des personnes handicapées physiquement. Puis, je suis conscient que je m'aperçois en soi que la pire barrière à leur intégration sociale, c'est l'impression justement qu'ils produisent sur les gens. Ok, on va te parler de quelque chose. Je m'en vais chez Ben ce matin. Hop, Ben. Ben, ça t'appelle maintenant, ça arrive. Il rentre un tas d'handicapés. Et le début. 20 ans. Ça puait. Il puissait avec là. Il y en a qui faisaient caca avec là. Ça puait là-dedans, mon gère. Des gens chez Ben, ils ont sorti de la C'est à part faute à ces pauvres là. C'est à part faute à celui qui l'a amené là. Parce que je suis sûr que celui qui est emmené là était conscient que c'est pas la première fois qu'il va dans un endroit public avec ces gens-là, qui ont des difficultés à se promener. C'est lui qui a été ton erreur. Mais qu'est-ce qui arrive? Écoute bien ça. Les gens, parce que les gens sont inconscients, les gens vont critiquer les handicapés physiques. Ils vont pas critiquer le gars niaiseux qui est emmené là, qu'est-ce qu'il fait. Ça va être la bonne impression. Mais on peut on a toujours un type de quand on rencontre quelqu'un, comme c'est là un frère, là, qui est comme déchu, qui appelle à son corps privé, tu comprends? Et le type de honte, en fait, aussi, qui est intègre, qui fait partie de nous autres, qu'on a pu même qu'on n'ait pas de mine sur les gens pour quelqu'un. C'est pas. Il y a ça, le petit, là, qui fait que ça retarde dans ce café, mais il y a aussi. Il faut vraiment connaître la loi d'impression pour ne pas avoir honte d'être avec, accompagné de quelqu'un qui lui-même est infirme. Comprends-tu? Parce que c'est pas impressionnant que c'est infirme ou que l'être humain de l'ego. Il faut être conscient que l'être à côté de toi qui est infirme est un être qui peut être noble. Mais ça, tu ne fais pas à partir des titres ou à partir des compétences sportives. Mm-hmm. Comprends-tu? Marcher à côté d'un champion sportif, ça fait pas honte. Marcher à côté de quelqu'un qui boite et qui dégaine, mm-hmm. ça ne plus honte. T'es mal à l'aise là-dedans. Mm-hmm. Ce qui fait que t'es mal à l'aise là-dedans, c'est aussi la loi d'impression et la loi d'impressionner. Donc, c'est les deux qui... Exactement. Exactement. Parce que quand t'es à ta place, t'es jamais bien avec quelqu'un qui n'est pas à ta place. Exactement. Quand tu connais la noblesse de l'homme, t'es pas à ta place, tu vas être bien. C'est ça. Exactement. Exactement. Je m'en tenais de fermer ta boîte par les gens publics. Parce que tu n'as pas compris tout ça. Mais c'est très juste. Très juste. C'est tellement vrai, ça, ce que tu dis. Tu m'as dit, Cachao. Moi, je vis avec à peu près 12 personnes près de ma vie, proches. Ils sont toutes beaux. Je ne parle pas de beaux intérieurement, je parle physiquement. Ils sont toutes beaux. Pas des beaux têtes, tu sais, mais beaux dans le sens que c'est sont plaisants à voir. Les femmes sont belles. Gisèle est un exemple. C'est plaisant. Les hommes sont beaux. Ça fait toute partie de la même marque. Puis si Gisèle avait pas de croche, quand même qu'elle a tout le talent au monde pour faire un job, elle ne sera pas dans ma vie. Parce que au niveau de la loi d'impression, au niveau de la loi d'harmonie, j'aurais pas été capable de la scander. Elle m'a fatigué. Parce que ça a été du karma. Bon, ben, c'est grâce que... Comment tu veux dire? Bon, ben, ça, là, les femmes qui trouvent pas belles, il y en a, en mon Dieu, là-dedans, qui sont sensibles et qui sentent la loi d'impression et qui trouvent pas belles elles-mêmes parce qu'elles souffrent de leur incongruence physique parce qu'en dedans, ils ont une sensibilité qui sont capables de connaître ce qui est beau.

Là, aujourd'hui, je peux comprendre, je peux t'aider, je peux vivre en paix. Je suis dans ce temps-là, ça me crée l'identité. J'ai une bonne impression. Attention. La fondation même de la psychologie, là. Je pense que tu m'étais dans Béli, je pense que j'ai deux droits à faire. Et que tu as la bonne impression. As-tu connu ça? La loi d'impression, c'est jamais pour toi et tout pour les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour les autres. Si les gens vivaient, si les gens vivaient dans la loi d'impression, il dit que si les gens vivaient dans la loi d'impression, ils altéreraient toute leur personnalité. Parce que la loi d'impression altère la personnalité, change l'ego. Ajuste la vibration de l'ego, puis là, automatiquement. L'ego change, tout change. Atterrir dans le sens de l'action. Ouais, atterrir dans le sens de développer. Et quand vous avez quelqu'un qui n'a plus dans l'impression de se conforter, quelqu'un qui n'a pas besoin. À ce moment-là, t'en as besoin. Non. Bon, c'est ce que je te disais tantôt. Ouais. Je t'ai dit, bon, mais moi, si ça devient en jean, ça me dérangerait. Ouais. Donc, à ce moment-là, t'as pas besoin de. Non, mais t'as pas besoin de l'outil. C'est ça. Mais vous autres, l'erreur que vous faites quand vous parlez, d'un point de vue, vous parlez jamais des deux en même temps. Ben, je vous donne raison, parce que c'est raison. Là, je peux vous montrer l'autre bord. Parlez d'où d'un point de vue? C'est dur en arrivée de parler des deux points de vue. Parce que pour parler de deux points de vue en même temps, il faut que tu parles parfaitement. Si tu parles parfaitement, là, tu auras tous les deux points de vue en même temps. Sur les deux possibilités en même temps. La seule que j'avais vue tantôt, c'est que moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Quand tu arrives à un point de vue. L'autre point de vue que j'avais pas vu, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. En fait, Bernard, c'est d'avoir une capacité d'adaptation, donc sauf plus. Exactement. Exactement. C'est une capacité d'adaptation totale. S'il pleut, s'il fait beau, il fait beau. C'est ça. S'il y a du poisson, tu manges du poisson. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis à la Lyon, je vais acheter deux parapluies, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Un parapluie quand je vais dans les beaux hôtels, puis un parapluie bien dans le village quand je suis sérieux. Mais quand je vais au rythme, j'ai un parapluie, il fit. C'est encore la loi d'impression. Moi, je dis quand même. Mais j'aurais jamais fait ça avant d'être conscient. J'aurais pensé que j'avais une manie. Le parapluie. Parce qu'un parapluie, c'est un objet de personnalité. Une canne, c'est un objet de personnalité. S'il faudrait que je porte une canne, il faudrait qu'elle soit une canne particulière. Il faudrait aller avec ma personnalité. Puis on voyait ça, il y a 50, 60 ans. Il y a un magasin à New York qui vend des parapluies. Il y a des parapluies tout partout dans le monde. Mais des parapluies. Il ne faut pas suivre des impressions pour embarquer. Il faut les créer. Okay. Selon ce qu'on a à faire. Et plus ni moins, il faut que tu vives le temps que tu as besoin. Tu vis du rêve que tu as besoin. Quand tu n'as plus besoin, c'est comme du linge, je suis dans l'air. Ah bon. Quoi? Non, les impressions, c'est la deuxième chose que l'homme peut créer. La première chose que l'homme peut créer, c'est le langage. La deuxième chose qu'il crée ensuite, c'est l'impression. Mais il faut que l'homme parle. Hein? L'homme ne peut pas créer d'impression s'il ne parle pas. Mais juste par la rencontre, tu crées des impressions. Tout de suite, tu peux les repérer. Oui. Il y a des classes, des sociétés, là, si tu parles un tel langage, tout de suite, tu sais. Exact. Les gens, ils savent exactement quel milieu. Exactement. Sans que l'on ait l'impression. OK, mais quelqu'un qui a l'air noble mais qui ne parle pas, va avoir quand même l'air. Il va avoir l'air pareil. Si il roule sa œuvre, il n'est pas là, à ce moment-là, il va tomber. C'est-à-dire, tu parles ce que tu veux. C'est bien mal, tu vas le parler. Tu vas le sentir. On va quand même là. C'est lui qui lui est. Par sa personnalité. Il va être impressionné par sa personnalité. C'est ça. Thank you. D'ailleurs, Tacteur, on dit que lui, il a une certaine présence en scène, c'est ça. Il traîne ça avec lui. Pourquoi les acteurs, souvent, ils veulent changer? Comme Sean Connery qui est sorti de James Bond pour faire d'autres sortes de théâtre. Pourquoi? Parce que les gens l'identifient à Kipas. J'ai du monde bien drôle, le monde. Des gens, si t'es, si t'es toujours. T'es toujours. Character cast, comme ils disent. Tu te t'avances, oui, dans des films à battre ta femme. Il y a des gens, tu dis ça des fois, ici, dans tout ça. Tu vas arriver au restaurant, tu te dis, tu vas être dans le café, puis une bonne femme va te lever à 5h du matin. Parce qu'elle pense que réellement, tu vois ta femme. Ils sont pas capables de dire ça. C'est bien fort, on a l'impression. D'ailleurs, regarde tout dans la vie. Regarde ici, dans la maison. La loi d'impression dans la maison, ici, est tellement développée que c'est une belle maison. Ça a pas d'impression. Moi, j'ai regardé, parce que je suis bien comme tu. J'ai regardé, j'étais allé là, j'étais allé là, il critique au bout, j'ai regardé, ouais, c'est quelque chose qui marche pas, mais moi, il dit tout marche. Donc, la loi d'impression est absolument relative. Ici, dans la maison, tout marche, tout clique. Fait qu'on dit, c'est une belle maison. C'est une loi d'impression. Lui, il est content. Il est content. Ça lui fait plaisir de recevoir les gens dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est une belle maison. Ça va droit. C'est le plaisir d'être des gens. C'est comme celui qui est de celui de. Bon, mais en psychologie, tu vas dire, c'est plus facile à sélectionner que l'extérieur, à faire du facteur, à faire du facteur. Mais c'est une qualité d'intelligence qui est parfaite pour faire des gens parfaits. Mais, tu sais, c'est imparfait parce qu'il y a pas trop de parfait dans un. Parce que c'est pas un outil. C'est pas un outil. Ouais. Je suis dans votre question d'essai. Ouais. Je suis pas un mais au moins, c'est les collectionneurs, toutes les manifestations de l'esprit dans les sections. C'est ça. C'est ça. Dans la proposition. C'est ça. Il manque des déjà dans la vibration. Il y a trop de stérilité, il y a trop d'émotion. Laurent, on entend aussi ce qui se fait. J'aurais envie d'en entendre plus par rapport à la loi d'impression, justement. Par rapport au. Bon, le psychotique. Schizophrène psychotique par rapport au neurotique, lui, dans la loi d'impression, ce qui se passe. Ils sont tous les deux coupables. Ils sont tous les deux incapables de s'ajuster à la loi d'impression. Ils sont tous les deux incapables de vivre intelligemment de leur personnalité. Puis quand tu n'es pas capable de vivre intelligemment ta personnalité, tu ne comprends pas. Puis si tu ne comprends pas, tu es pas capable de t'ajuster aux impressions astrales puis aux impressions mentales, puis tu les mélanges les unes avec les autres. Fait qu'à ce moment-là, il y a un mur qui se construit entre les deux, puis éventuellement, il y a une séparation, ce qui est le cas du schizoïde. Dans le cas du névrotique, le mur n'est pas aussi vaste. Mais c'est la même chose. Le névrotique peut devenir schizoïde. Ça va plus loin. Puis ça, il prend quoi? Quoi? Après ça? Pour décraquer. Quand tu as retenu ce qu'il donne, oui. Ça prend un bon psychiatre. Ben, ça. Ça prend un bon psychiatre. Il y en a. C'est rare, c'est difficile à dire ce qu'il doit priner quelqu'un qui est ce qu'il doit priner. Ou peut-être de l'intelligence. Parce que tu peux toujours établir l'équilibre d'un esprit. Seulement, ces gens-là sont rendus tellement au bout de leur évolution que ça prend bien du temps. Moi, j'ai rencontré un gars chez Don, un soir, il était assis, puis il parlait à sa catin. Là, c'est parce que vous voulez parler avec sa catin, j'ai parlé. J'ai dit, comment est-ce qu'elle est, ta catin? Il disait, bien. J'ai dit, comment ça s'appelle? Il m'a donné son nom. On va parler de sa catin. Mais je n'ai pas commencé à guérir, le gars. Il a dit, je passe bien des heures, là. Mais ça se guérit, là, maman. Mais faut que tu connaisses les lois de l'esprit, faut que tu connaisses les lois de sa catin. Faut que tu connaisses sa catin, faut que tu connaisses la psychologie de sa catin. Faut que tu saches pourquoi est-ce qu'il aime tant sa catin. Faut que tu connaisses l'homme parfaitement. Là, tu défiles, tu déroules, tu rules, tu l'avais éventuellement à sortir de son continent. Fais conscience dans la bouche. Mais c'est la conscience, c'est ça, des gens. Qu'est-ce qu'il y a? Avec la tenue, la conscience. C'est ça, quelqu'un qui est inconscient de la bonne impression. A l'impression de la subir. et non pas de la crise. Exemple, comme toi, ton père a dit. Okay? Ah, oui. C'est-à-dire que le gars qui c'était inconscient, tu aurais dit, oh, ben, je m'en vais au risque. Bon, donc, ça m'impressionne. Oui. Donc, j'apporte ça par la crise. Oui. Tandis que comme tu es conscient, tu te dis, bon. C'est pas la plus grande, j'ai vu dans c'est toujours des moyens, toujours des moyens. L'intelligence créative est tellement vaste, l'inconscience humaine est tellement grande que tu as besoin de beaucoup de clés pour rentrer sur tous les paliers. C'est un moyen de communication de niveler les différents psychologiques émotifs. Pour arriver au contact. Pour arriver au contact, parce que le but de la loi d'impression, c'est toujours faire le contact avec eux. C'est ça, pendant 14 ans. Ça va rien à ça, les élèves. Le but de la loi d'impression, c'est d'en arriver à pouvoir faire le contact. Une fois que le contact est fait, tu n'as plus besoin de la loi d'impression. Mais c'est de casser la glace. Parce que si tu parles de la loi d'impression, tu prends le contact. Tu ne rencontres pas un roi de même. Parce que là, on rencontre un roi. Ils ont fait un protocole devant eux autres.